d'exclamation retour à la ligne. Sous son vieux chapeau, il reste digne. Il veut du calme et surtout du silence. Il te veut toi, ton ombre, ton absence. Le clapotis de l'eau et le vin au frais. Le verre à l'hameçon que la carpe effraie. Le rire de ses copains au bord de l'Oise. Le sourire farouche de la petite Françoise. Des souvenirs lui remontent à la gorge. Les métallos et puis les gars des forges. Le patron à genoux devant le brûlot. Et ce poisson trop gros qu'il remet à l'eau. Fière de ses fils. Et sa photo et sa belle robe blanche. Il essuie ses yeux d'un revers de manche. Le clapotis de l'eau et le vin au frais. Le verre à l'hameçon que la carpe effraie. Il y a des pêcheurs au bord de l'Oise. Il y a des pêcheurs au bord de l'Oise. Le clapotis de l'eau et le vin au frais. Le verre à l'hameçon que la carpe effraie. Il y a des pêcheurs au bord de l'Oise. Il y a des pêcheurs, ma petite Françoise, ma petite Françoise.